Une nuit, Jane est réveillée par un rire démoniaque et d'étranges murmures à sa porte. Quelqu'un a mis le feu à la chambre de Mr. Rochester. Jane le sauve des flammes et il lui tient alors des propos ambigus qui éveillent la passion de la jeune fille. Le lendemain, Jane apprend que Mr. Rochester a dû s'absenter. Il revient 15 jours plus tard, accompagné d'un groupe d'amis, parmi lesquels Blanche Ingram, dont le bruit court qu'il va l'épouser. Mais l'arrivée inattendue d'un certain Mr. Mason, originaire des Antilles, semble venir contrarier ses plans. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Sixième épisode. Jane, venez, tout doucement. J'ai besoin de vous. Est-ce que c'est grave? Mais non. Ce n'est qu'une égratignure. Un peu de nerf, mon brave. Je vais aller vous chercher un médecin. Jane. Monsieur? Il va falloir que je vous laisse ici avec Mr. Mason. Épongez le sang, faites-le boire. Ne lui parlez sous aucun prétexte. Et vous, Richard, sachez que si vous remuez les lèvres, je ne répondrai plus des conséquences. Souvenez-vous, pas de conversation. J'étais donc enfermée dans une des cellules mystérieuses de ce sinistre troisième étage, et un spectacle sanglant s'offrait à mes yeux. Qui se cachait donc ici ? Quel était ce mystère qui se révélait tantôt par le feu, tantôt par le sang, aux heures les plus sombres de la nuit ? Et cet étranger, comment se trouvait-il mêlé à cette histoire ? Pourquoi la furie s'était-elle attaquée à lui ? Et pourquoi mon maître exigeait-il le secret ? Faites vite, Carter. Nous n'avons qu'une demi-heure avant d'emmener le patient. Mais est-il en état d'être transporté, monsieur ? Bien sûr. Il n'a rien de sérieux. Il faut juste lui remonter le moral. Examinez-le et dites-lui donc qu'il est hors de danger. Mais qu'est-ce que... La chair de l'épaule n'est pas seulement coupée, elle est aussi déchirée. Cette blessure n'a pas été faite avec un couteau. Ce sont des traces de dents. Elle m'a mordu. Elle était comme une tigresse quand Rochester lui a enlevé le couteau. Elle disait qu'elle allait boire tout le sang de mon cœur. Je vous ai dit d'être sur vos gardes si vous l'approchiez. J'espérais lui faire du bien. Vous espériez. Cela m'exaspère de vous entendre. Carter, allons, vite, vite. Le soleil va bientôt se lever. Il faut que Mason s'en aille. Tout de suite, monsieur. Voilà. Rochester. Eh bien, qu'y a-t-il ? Qu'on la soigne bien. Qu'on la traite aussi doucement que possible. Je fais de mon mieux. Je l'ai toujours fait. Et je continuerai. Jane, venez donc quelques minutes. Vous venez de passer une nuit étrange. Oui, monsieur, en effet. Vous êtes toute pâle. Avez-vous eu peur quand je vous ai laissée ? Oui, j'avais peur que quelqu'un ne sortît de la chambre intérieure. Mais j'avais fermé la porte. La clé était dans ma poche. J'aurais été un berger bien négligent si j'avais laissé mon agneau favori si près de l'antre d'un loup. Non, il n'y avait pas de danger. Grace Poole restera-t-elle toujours ici, monsieur? Il me semble que votre vie n'est pas en sûreté tant qu'elle est ici. Oh, ne vous tourmentez pas. N'ayez crainte. Je suis sur mes gardes. Le danger que vous redoutiez hier est-il conjuré maintenant, monsieur? Je ne puis répondre tant que Mason n'aura pas quitté l'Angleterre. Et même alors. Voyez-vous, Jane, je vis sur le cratère d'un volcan. L'éruption peut se produire à tout moment. Asseyez-vous donc à côté de moi. Maintenant, petit ami, je vais vous soumettre un cas de conscience. Jane, supposons que vous soyez un garçon, horriblement gâté depuis l'enfance. Imaginez que, dans un pays étranger et fort lointain, vous ayez commis une erreur capitale, dont les conséquences doivent vous poursuivre toute votre vie. Vous prenez des mesures pour vous en affranchir et cependant vous continuez à être malheureux. Seuls des souvenirs amers et honteux alimentent votre mémoire. Vous errez de ci de là, cherchant l'oubli dans les plaisirs. Après de longues années d'un exil volontaire, vous revenez à votre foyer. Vous faites alors la connaissance d'une personne en qui vous découvrez la plupart des belles qualités que vous recherchez depuis toujours. La compagnie de cette personne semble vous régénérer. Vous voulez commencer une vie nouvelle. Est-il permis d'écarter pour cela un obstacle de pure forme? Un empêchement de simple convention que votre conscience n'admet pas et que votre jugement désapprouve? Monsieur, le repos d'un coupable et l'amendement d'un pécheur ne devraient jamais dépendre d'un être humain. Que celui qui a souffert, qui est tombé, regarde plus haut pour y trouver la force qui sanctifie, la suprême bonté qui soulage et guérit. Mais l'instrument... Dieu, qui veut notre salut, choisit l'instrument qui lui plaît. J'ai été, je parle maintenant sans métaphore, j'ai été moi-même cet homme mondain, dissipé, prodigue. J'ai trouvé, j'en suis certain, l'instrument de mon salut en... Jane, quand veillerez-vous de nouveau avec moi? Quand cela pourra vous être utile, monsieur. La veille de mon mariage. Je suis sûr que je ne pourrai pas dormir. Promettez-moi que vous veillerez à me tenir compagnie. Oui, monsieur. Le lendemain de cette terrible nuit, on vint m'avertir qu'une personne m'attendait dans le salon. J'ai trouvé un homme en grand deuil qui avait l'air d'un domestique de bonne maison. Bonjour. Vous ne pouvez guère vous souvenir de moi, mademoiselle. Je m'appelle Leven. J'étais déjà coché chez Mrs. Reed quand vous étiez à Gateshead. Oh, Robert, comment allez-vous? Et Bessie, vous êtes-vous mariée avec elle? Oui, mademoiselle. Nous avons maintenant 3 enfants, ils vont tous bien. Et comment va toute la famille, Robert? Je suis fâché de ne pouvoir vous en donner de meilleures nouvelles, mademoiselle. Cela ne va pas. Mr. John est mort il y a une semaine dans son appartement à Londres. Voyez-vous, Miss Eyre, il a eu une vie très déréglée. Depuis 3 ans, il s'était beaucoup dévoyé et cette mort est une honte pour la famille. On dit qu'il s'est suicidé. Quand madame l'a appris, elle a eu une attaque. Pendant 3 jours, elle n'a pas pu parler. Mais mardi dernier, il nous a semblé qu'elle voulait dire quelque chose. Hier matin, Bessie a enfin compris. Amenez-moi Jane Eyre. Allez chercher Jane Eyre. Je veux lui parler. Je suis parti hier de Gateshead. Et si vous pouviez vous apprêter, mademoiselle, j'aimerais bien y retourner avec vous demain matin de bonne heure. Oui, Robert. Je dois y aller. Je le sens. C'est moi, ma tante. Tante? Qui m'appelle tante? Mais vous ressemblez à Jane Eyre. Pourtant, j'ai peur que ce soit une erreur. Elle a dû tellement changer. C'est bien moi, madame. Mr. Leven est venu me chercher et je suis venue. Je suis très malade, je le sais bien. Il vaut mieux que je décharge ma conscience avant de mourir. Je vous ai fait du tort par deux fois, et je le regrette maintenant. Le premier tort, c'est d'avoir manqué à ma promesse envers mon mari, de vous élever comme ma propre fille. L'autre... Voyons, il faut en finir. Je vais entrer dans l'éternité. Ouvrez mon nécessaire de toilette. Vous y trouverez une lettre. Lisez-la. Madame, voudriez-vous avoir la bonté de m'envoyer l'adresse de ma nièce, Jane Eyre, et de me donner de ses nouvelles? Je veux lui écrire bientôt de venir me rejoindre à Madère. La Providence a permis que je me fasse une position. Comme je suis célibataire et sans enfant, je désire adopter ma nièce de mon vivant et lui laisser après ma mort tout ce que je possède. Signé John Eyre, Madère. Pourquoi n'en ai-je rien su? Parce que je vous détestais trop. Je ne pouvais oublier votre conduite envers moi, Jane. Je ne pouvais oublier ce que je ressentis quand vous m'avez ainsi jeté votre venin à la face. Donnez-moi un verre d'eau, vite. Vite. Chère Mrs. Reed, ne pensons plus à tout cela, voulez-vous ? Pardonnez-moi mes emportements d'autrefois. Je n'étais qu'une enfant, rappelez-vous. Je ne pouvais oublier, vous dis-je. Et je me suis vengée. Il m'eût été insupportable de vous voir adopter par votre oncle qui vous aurait assuré une vie aisée et même opulente. Je lui ai écrit que vous étiez morte. Que vous aviez succombé à la fièvre typhoïde à la pension de Lowood. Faites maintenant ce que vous jugerez bon. Écrivez-lui pour démentir mes déclarations, démasquer mon imposture. Vous n'êtes venu au monde, je crois, que pour me tourmenter. Grâce à vous, ma dernière heure sera empoisonnée par le remords d'une faute. Sans vous, je n'eusse jamais été tentée de commettre. Je ne suis pas foncièrement mauvaise comme vous le croyez, ma tante. J'aurais tant voulu vous aimer, si seulement vous m'aviez encouragée. Aimez-moi ou haïssez-moi, vous êtes libre. Je vous pardonne de grand cœur. Demandez maintenant à Dieu qu'il vous pardonne aussi. Et soyez en paix. Elle mourut à minuit le jour même. Et, sans une larme, je m'en revins à Sandfield Hall. Mais pour combien de temps? Mrs. Fairfax m'avait écrit pendant mon absence. Les invités s'étaient dispersés. Mr. Rochester avait fait un aller-retour à Londres pour faire des achats en vue de son mariage. Pendant 15 jours après mon retour, j'épiai le visage de mon maître. Jamais je ne l'avais vu si calme. Et jamais il ne m'avait fait appeler si souvent auprès de lui. Il était de jour en jour plus cordial à mon égard. Hélas. Jamais. Non, jamais je ne l'avais autant aimé. Jane. Venez. On ne peut demeurer dans la maison par une si belle nuit. Sandfield est bien agréable en été, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous devez être attaché à cette maison. Et quoique je ne comprenne pas pourquoi, vous avez de l'affection pour cette petite folle d'Adèle. Et même pour cette brave Mrs. Fairfax. Vous regretteriez de les quitter? Oh oui. Quel dommage. C'est toujours ainsi dans la vie. À peine l'oiseau s'est-il posé sur la branche qu'il lui faut reprendre son vol. Faut-il donc que je parte, monsieur? Dois-je quitter Sandfield? Hélas, il le faut, Jane. Je le regrette beaucoup, Janet, mais je crois que c'est nécessaire. Alors, vous allez vous marier bientôt, monsieur? Oui, très prochainement. Je veux dire, Miss Eyre. Adèle ira en pension. Et vous, Miss Eyre, vous devez vous mettre en quête d'une autre situation. Oui, monsieur. Je vais mettre une annonce. Ma belle-mère m'a parlé d'une situation qui conviendrait, je crois. Il s'agirait de faire l'éducation des 5 filles de Mrs. Dionysius O'Gall, de Bitternut Lodge, Connaught, en Irlande. C'est bien loin, monsieur. La distance et la mer me sépareraient de... De quoi, Jane? De l'Angleterre et de Sandfield. Et puis... Et puis... Quoi? Et puis de vous, monsieur. C'est bien loin. Oh, c'est certain, nous ne nous reverrons plus jamais, Jane. C'est à peu près sûr. Nous étions bons amis, n'est-ce pas, Jane? Oui, monsieur. Et quand des amis sont à la veille de se quitter, ils aiment à passer ensemble les quelques heures qui leur restent. Venez. Asseyons-nous. N'y a-t-il pas une affinité entre nous, Jane? Je dis cela parce que je ressens auprès de vous une sensation étrange. C'est comme si un lien solide était attaché à ma poitrine et qu'un nœud serré le rattachait à votre petite personne. Si 200 miles de bonne terre s'étendent entre nous, cette corde cassera, c'est évident. Et j'ai une sorte de pressentiment que je me mettrai à saigner. Mais vous... Vous m'oublierez. Ça, monsieur, jamais. Vous le savez bien. Je suis désolée de quitter Sandfield. J'aime cette maison. Je vous ai connu ici, Mr. Rochester. C'est avec terreur que je songe à me séparer de vous pour toujours. J'en comprends la nécessité. Mais cela m'est aussi cruel que la mort elle-même. Mais où en voyez-vous la nécessité? Où? Mais c'est vous-même, monsieur. En m'annonçant que Miss Ingram sera bientôt votre femme. Ma femme? Je n'ai pas de femme. Mais vous en aurez bientôt une. Oui, sans doute. Alors il me faut partir. Non, vous resterez. Je le jure et je tiendrai parole. Il faut que je parte. Croyez-vous que je consente jamais à rester ici pour n'être rien à vos yeux? Vous me prenez donc pour une marionnette privée de sentiments? Vous pensez que parce que je suis pauvre, humble, petite et sans beauté, je suis sans cœur et sans âme? Vous vous trompez. J'ai comme vous une âme et tout autant de cœur. Et si Dieu m'avait donné la beauté et la fortune, j'aurais su vous rendre la séparation aussi cruelle qu'elle est aujourd'hui pour moi. Je vous parle comme si, De l'autre côté du tombeau, nous étions déjà devant Dieu. Égaux, car nous le sommes. Nous le sommes. Oui, Jane. Nous le sommes. Laissez-moi, monsieur. Car si nous sommes égaux, vous êtes marié ou c'est tout comme à une femme qui vous est inférieure et que vous n'aimez pas véritablement. Je rougirais de contracter un tel mariage. Je vaux mieux que vous. Laissez-moi. Oh, Jane. J'ai parlé maintenant. Je peux partir. J'irai n'importe où. Jane, ne luttez pas ainsi comme un oiseau prisonnier qui se débat désespérément en arrachant ses plumes. Je ne suis pas un oiseau, monsieur. Aucun piège ne me retient. Je suis libre. Je dépends de ma seule volonté. Vous déciderez donc vous-même de votre destinée. Je vous offre ma main, mon cœur et une part de mes biens. Je vous demande de partager ma vie, de devenir ma compagne. Vous avez déjà fait votre choix. Il faut vous y tenir. Je suis donc un menteur, d'après vous ? Petite sceptique. Est-ce que j'aime Miss Ingram ? Non. Et vous le savez bien. Et elle, m'aime-t-elle ? Point du tout. J'ai fait courir le bruit que ma fortune n'était pas le tiers de ce qu'on supposait. Et quand je me suis présenté chez elle, j'ai été reçu avec froideur par sa mère et elle-même. Je ne voudrais pas, je ne pourrais pas épouser Miss Ingram. Vous, créature étrange et presque surnaturelle, je vous chéris comme ma propre chair. Vous êtes humble et pauvre, petite et simple, et je vous supplie d'accepter ma main. Moi ? Oui, vous, Jane. Je veux que vous soyez mienne, entièrement et exclusivement mienne. Le voulez-vous ? Dites-moi oui. Laissez-moi vous regarder. Tournez votre visage vers la lune. Mais pourquoi ? Je veux lire dans vos yeux. Tournez-vous, je vous prie. Là, mon visage n'est guère plus lisible qu'une page chiffonnée. Lisez donc, mais faites vite, car je souffre. Jane, acceptez. Dites, Edward, je veux bien vous épouser. Parlez-vous sérieusement ? Aimez-vous vraiment ? Oui. Et s'il vous faut un serment, je le jure. Alors, monsieur, je consens à vous épouser. Dites, Edward, ma petite femme. Cher Edward. Venez tout près de moi maintenant. Rendez-moi heureux. Je promets de faire votre bonheur. Jane, êtes-vous heureuse ? Oui. Que Dieu me pardonne et que personne n'intervienne entre nous. Elle est à moi, je la garde. Mon amour est sincère, il sera constant. Cela m'excusera au tribunal de Dieu. Je sais que mon souverain juge approuve mes actions. Quant au jugement du monde, je m'en lave les mains. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Sixième épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Éric Herson-Macarel, Johanna Nizard, Philippe Bautier, Daniel Kenigsberg, Dominique Verrier, Jean-Claude Bonifay, Sarah Caponi, Sandy Boisard. Et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Moussin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.